Our 3 weeks retreat is about to finish. At the beginning of the retreat, up to now, our yogis trying their best to be mindful. As you know, it is not that easy to carry the mindfulness all the way along. If it is easy, then Dhamma home is so precious. As I always quote in my talk, the Dhamma which the Buddha experienced with his practice is very deep, cannot be seen easily, not easy to penetrate, cannot understand by thinking. Only the wise, who is the wise, the practitioner, vipassana practitioner, can understand. Notre retraite de 3 semaines est sur le point de se terminer. Depuis le début de la retraite jusqu'à maintenant, les yogis se sont efforcés d'être attentifs du mieux qu'ils le pouvaient. Ce n'est pas facile d'emmener son attention avec soi pendant toute la journée. Si c'était facile, le Dhamma ne serait pas aussi précieux. Comme je le dis toujours, le Dhamma du Bouddha est profond, il n'est pas facile à comprendre, pas facile à pénétrer, il n'est pas possible de l'expérimenter par la réflexion intellectuelle. Pour le comprendre, il est nécessaire de méditer. Seul le sage, c'est-à-dire le yogi, peut comprendre le Dhamma. Si on ne fournit pas un effort tout particulier, il ne sera pas facile d'emmener son attention partout avec soi pendant toute la journée. Pendant ces 3 semaines, vous avez fait de votre mieux pour y arriver. Et probablement, aurez-vous sans doute expérimenté le Dhamma du Bouddha dans une certaine mesure. Pour encourager les yogis dans leur pratique, je devrais aujourd'hui leur parler des 7 facteurs d'illumination. Comme vous le savez, le premier de ces facteurs, sati, l'attention, est crucial. Si on réussit à développer sati, l'attention, il sera facile d'expérimenter les 6 autres facteurs, dhammavicaya, viriya, piti, pasadi, samadhi et upekkha. Mais si on ne réussit pas à développer sati, l'attention, ce ne sera pas facile d'expérimenter ces 6 autres facteurs. Le Bouddha, lorsqu'il résidait au monastère de Jetavana à Savatthi, a prononcé ces paroles. « Celui qui a expérimenté Dhammapiti dormira bien sans être perturbé dans son sommeil. » Si nous avons beaucoup d'émotions dans notre esprit, beaucoup de kilesa, il ne sera pas possible de dormir paisiblement. Nous serons perturbé pendant notre sommeil. Il ne sera pas non plus possible de vivre paisiblement, tout simplement parce que ces kilesa dérangeront notre esprit. Lorsqu'il n'y a pas de kilesa dans l'esprit, il devient clair et pur. Il est possible alors d'expérimenter le bonheur dans la vie sans être inquiété. Si nous voulons donc vivre en paix, dormir paisiblement, nous pouvons y arriver par la pratique de Vipassana. Lorsque vous pratiquez la générosité, que vous offrez par exemple la nourriture aux moines et aux yogis, vous allez également expérimenter le bonheur. Vous offrez donc la nourriture aux moines et aux yogis avec compréhension et attention. Au moment où vous offrez le repas, vous allez vous sentir heureux. Vous offrez donc le repas aux moines, c'est-à-dire à la Sangha. Il faut comprendre que dans ce contexte, la Sangha ne se limite pas à cet unique moine. Il s'agit en fait de toute la Sangha, y compris les samanéras qui viennent d'être ordonnés, les jeunes novices. Si vous vous concentrez sur les attributs de la Sangha au moment où vous offrez le repas, ces attributs vont vous apparaître clairement dans l'esprit. Vous allez alors expérimenter la joie. C'est la joie qui s'enracine dans Dana. Lorsque vous vous concentrez sur les qualités des yogis au moment où vous faites votre don, vous comprenez que ces personnes pratiquent Vipassana dans le but de se libérer de la souffrance. Ils s'efforcent de pratiquer du mieux qu'ils peuvent, même s'ils n'ont pas encore atteint la libération. En d'autres termes, ils essayent de se débarrasser de lobha, le désir avide, dosa, la colère, et moha, l'ignorance. Le Bouddha nous dit que lorsqu'on offre le repas à de telles personnes, il y aura des bénéfices. Lorsque vous offrez donc la nourriture aux yogis et aux moines, lorsque vous leur offrez une nourriture appropriée, au moment où vous faites votre don, il y aura dans votre esprit metta, l'amour bienveillant, la compassion, la joie sympathique. Vous serez donc heureux d'offrir le repas aux moines et aux yogis. Vous prenez les préceptes moraux en tant que méditant. Vous vous efforcez donc de ne pas tuer, par exemple. Quelqu'un qui ne prend pas les préceptes moraux va être amené un tôt ou tard à devoir tuer, même s'il ne le fait pas délibérément. Par exemple, si un moustique le pique, il va spontanément et sans réfléchir le tuer. Par contre, la personne qui s'est engagée à respecter les préceptes moraux fera très attention de ne pas nuire aux autres êtres. Si donc vous réfléchissez au fait que vous avez maintenu votre sila intacte, cela va faire surgir la joie en vous. Il y a donc le bonheur qui s'enracine dans le fait de donner, le bonheur qui s'enracine dans le fait de respecter les préceptes moraux, et le bonheur qui s'enracine dans le fait de pratiquer la méditation. Cette troisième forme de bonheur est la plus élevée, car lorsque vous aurez expérimenté le Dhamma, la joie que vous ressentez alors restera en vous. Ceci explique les paroles du Bouddha qui nous dit « Celui qui a expérimenté Dhammapiti vit bien et dort bien. » Pendant la pratique, vous allez expérimenter toutes sortes de sensations désagréables. Vous allez réussir à les surmonter. Votre esprit va alors se stabiliser et vous commencez à comprendre l'esprit et la matière, les causes et les effets, etc. L'esprit qui note reste alors fixé sur les objets. Il expérimente alors les facteurs d'illumination, comme je vous l'ai expliqué. Dhamma, Vichaya, Viriya, Piti. Lorsque vous expérimentez Piti, la joie, il n'y a plus aucune impureté dans votre esprit. Votre esprit est en paix, vous êtes en paix physiquement et mentalement. L'esprit qui note est stabilisé, il reste fixé sur les différents objets. Il reste fixé non seulement sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais sur tous les autres objets qui se manifestent à chaque instant. Le méditant note, voire au moment où il voit quelque chose, et son esprit reste fixé sur ce contact sensoriel. Il ne va nulle part ailleurs. Lorsqu'il entend un son, il note entendre et l'esprit expérimente entendre et rien d'autre. Le méditant a alors Samadhi Sambojanga, le facteur d'illumination de la concentration. L'esprit va se stabiliser. Au début, le méditant expérimente surtout des sensations désagréables. Il n'a pas encore expérimenté les sensations agréables. Sukha Vedana. Il va donc s'efforcer de surmonter Dukha Vedana, les sensations désagréables. Petit à petit, il va y arriver et il sera alors très heureux, même excité. Il arrive parfois que les méditants qui en sont arrivés à ce stade n'ont pas la patience d'attendre le lendemain pour aller tout raconter au professeur. Ils sont tellement excités. Mais lorsqu'il aura expérimenté les sensations agréables à plusieurs reprises, le méditant ne sera plus excité. Son esprit va devenir normal, stabilisé. Il n'y aura plus d'émotion. Le méditant va donc expérimenter les sensations agréables et il ne sera plus excité par ce type de sensations. Quel que soit l'objet qui apparaît, il sera capable de le noter. S'il est agréable, il n'y aura aucune excitation. S'il est désagréable, il n'y aura aucun découragement. Le méditant expérimentera alors, upekkha, l'équanimité. Si vous avez réussi à expérimenter les sept facteurs d'illumination, votre foi va très fort se développer. Vous aurez également beaucoup d'énergie pour la pratique. Vous aurez confiance. À ce stade, le méditant n'abandonne plus la pratique. Il saisit toutes les occasions qui se présentent pour pratiquer, tout simplement parce qu'il a réalisé clairement le Dhamma. Mais notre expérience doit encore mûrir. Elle doit mûrir et nous faire atteindre le fruit du Sotapanna, le fruit du Sakatagami, le fruit de l'Anagami et le fruit de l'Arhat. Mais si nous atteignons ne fût-ce que le premier fruit, nous serons heureux dans le Dhamma. Il est dit dans les Écritures que celui qui a atteint ce premier fruit est toujours heureux. Du temps du Bouddha, il y avait un couple de souverains. L'homme s'appelait Mahakapina et la femme s'appelait Anuja. Ces deux personnes vivaient très loin de Savatthi, l'endroit où résidait le Bouddha. Mais ils avaient les paramis. On raconte que dans leurs vies antérieures, ils avaient donné des kutis aux moines, donc des abris. Ils avaient également écouté les enseignements sur le Dhamma. Leurs paramis étaient donc développés. Ils vivaient très loin de Savatthi et c'étaient des personnes qui avaient la potentialité d'atteindre l'état d'Arhat. On raconte qu'un jour, des marchands de Savatthi se trouvaient au pays de ce roi Mahakapina. Le roi les vit, il leur demanda: « Quoi de neuf à Savatthi? Comment le roi règne-t-il sur votre pays? Avez-vous quelque chose de nouveau à annoncer ?» Et les marchands répondirent: « Oui, il y a dans notre pays un joyau qui est apparu, Bouddha Ratana. Il y a dans notre pays un autre joyau qui est apparu, Dhammaratana. Et il y a enfin un troisième joyau qui est apparu, Sangharatana. » Lorsqu'il entendit prononcer ces paroles, le roi fut choqué. Il demanda au marchand de répéter ce qu'il venait de dire. Et le marchand répéta qu'il y avait trois joyaux qui étaient apparus dans leur pays, Bouddharatana, Dhammaratana et Sangharatana. Lorsque Mahakapina entendit donc le marchand qui répéta qu'il y avait trois ratanas qui étaient apparus dans son pays, il décida sur le champ de se rendre à Savatthi avec ses 1000 ministres. Il ne passerait même pas par son palais. Il demanda à quelqu'un de faire savoir à la reine qu'il s'en allait pour le pays où se trouvait le Bouddha. Le Bouddha survola le monde de son œil divin et vit que Mahakapina et ses 1000 ministres étaient en route vers son pays. Il alla à leur rencontre car ces personnes avaient les paramis. Le Bouddha les attendait donc. Lorsque Mahakapina et ses ministres virent les rayons qui émanaient du corps du Bouddha, il y avait 6 rayons lumineux qui émanaient du corps du Bouddha, ils s'approchèrent de lui. Et le Bouddha les accueillit. Ils eurent alors la chance d'entendre un enseignement sur le Dhamma. Après l'enseignement, ils atteignirent tous le fruit du Sotapanna. Ils demandèrent alors au Bouddha la permission d'être ordonnés, et le Bouddha leur répondit en leur disant « Ehip Bhikkhu ». À peine avait-il dit ces paroles que tous les vêtements laïcs disparurent, leurs cheveux également, et ils furent spontanément habillés en moine. On informa donc la reine Anuja que son mari et ses ministres avaient quitté le pays pour aller rejoindre le Bouddha. La reine fit venir le marchand de Savatthi et lui posa la même question que le roi. Lorsqu'elle entendit le marchand qui parlait de trois joyaux, le Bouddha Ratana, le Dhamma Ratana et le Sangha Ratana, elle fut également choquée. La reine fut choquée en entendant parler le marchand et elle se mit elle aussi en route pour Savatthi avec ses 1000 les 1000 femmes qui faisaient partie de sa suite. Lorsqu'elles arrivèrent à Savatthi, le Bouddha leur donna le même enseignement que celui qu'il avait donné au roi et à ses ministres. La reine et ses 1000 femmes atteignirent également le fruit du Sotapanna à la fin du sermon. Elles demandèrent alors, elles aussi, la permission au Bouddha d'être ordonnées. Vous pourriez penser que c'était facile pour elles. Il leur a suffi d'écouter l'enseignement et elles ont atteint l'état de Sotapanna. Mais en fait, nous ne savons pas ce qu'elles ont fait dans des vies antérieures. Nous ne savons pas combien d'actions positives elles ont accumulées. Il est dit que un Pacheka Bouddha se rendit un jour au palais. Un Pacheka Bouddha, c'est un Bouddha privé, un Bouddha solitaire. C'est une personne qui pratique en solitaire, qui atteint l'état de Bouddha, mais qui n'a pas la capacité d'enseigner le Dhamma. Le Pacheka Bouddha se tenait donc devant le palais, et le roi l'ignora. Il faut savoir que les bhikkhus ne sont pas autorisés à demander quoi que ce soit. S'ils ont besoin de quelque chose, ils doivent simplement se tenir debout devant la maison et attendre qu'on leur demande ce dont ils ont besoin. Le Pacheka Bouddha se tenait donc debout devant le palais sans rien dire. Mais le roi l'ignora. Il ne lui demanda pas ce dont il avait besoin parce qu'il était trop occupé. Le Pacheka Bouddha se tenait donc devant le palais. Comme il ne recevait aucune réponse, il a poursuivi sa route et il a atteint un village. Dans ce village, il y avait un homme qui rentrait de la forêt et qui était prêt à arriver chez lui. Il vit le Pacheka Bouddha, lui rendit hommage et lui demanda ce dont il avait besoin. Le Pacheka Bouddha lui répondit qu'il avait besoin de matériel pour construire un kuti, donc un abri, de façon à pouvoir passer le vassa agréablement. Le villageois fut très heureux d'entendre que l'occasion lui était offerte de faire don de matériel au Pacheka Bouddha. Il allait lui offrir du bambou et des choses comme ça pour pouvoir construire un kuti. Le Pacheka Bouddha, en fait, n'était pas tout seul. Il y en avait beaucoup d'autres qui le suivaient. Il y avait à ce moment-là des Pacheka Bouddha qui d'ordinaire vivaient dans l'Himalaya mais qui voulaient passer le vassa un peu plus loin. Le villageois accepta malgré tout de fournir donc le matériel pour tous ces Pacheka Bouddha. Il organisa le travail, demanda aux autres villageois de participer. Tous ces villageois étaient très heureux d'offrir non seulement des kutis à ces Pacheka Bouddha, mais également de leur offrir la nourriture pendant les 3 mois du vassa. À cause de ces actions positives, tous les villageois reprirent naissance dans le monde des Devas. Et lorsqu'ils revinrent dans le monde humain, ils se retrouvèrent tous au même endroit. Il est dit également que ces villageois ne reprirent jamais naissance dans les plans inférieurs. Ils ne reprirent jamais naissance pendant leurs 500 vies futures. Ils ne reprirent jamais naissance que dans le plan humain ou dans les plans supérieurs. Tous ces villageois faisaient donc partie d'une même famille, la famille du Dhamma. Et ils aimaient tous faire des actions positives. Ils se rendaient régulièrement dans des monastères pour aider. I have not very well understood, Siadu, about, Donc, en fait, ces villageois s'étaient tous rendus dans un monastère pour entendre un enseignement sur le Dhamma. Mais il s'était mis à pleuvoir et donc ils auraient voulu s'abriter. Mais pour pouvoir avoir une place au monastère, il fallait connaître quelqu'un. Or, ces villageois ne connaissaient personne, donc ils ont été obligés de rester dehors et ils étaient sous la pluie. Et donc, ces villageois, qui avaient été obligés d'écouter les enseignements sur le Dhamma sous la pluie, avaient réalisé qu'il manquait de place à cet endroit, il manquait de monastère, et ils décidèrent donc d'en construire un, et tous contribuèrent. Et à cause de cette action positive, ils reprirent tous naissance dans le plan des devas ou dans le plan humain. Et finalement, ils devinrent le roi Mahakapina et la reine Anuja. Et lorsque donc ils furent devenus Bhikkhu et Bhikkhuni, l'ex-roi, donc Mahakapina, devenu moine, s'exclama: Oh, quel bonheur en effet! Cet homme n'avait plus rien, il n'avait que trois robes et un bol, mais il s'exclama tout de même: Oh, quel bonheur en effet! Donc ce bonheur qu'il expérimentait alors, c'était le bonheur du Dhamma. Le bonheur du Dhamma n'est pas à comparer avec le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Ce bonheur, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels, est de courte durée, alors que le bonheur du Dhamma est de longue durée. Nos yogis ici ont donc pratiqué la méditation pendant 3 semaines. Ils ont probablement expérimenté un certain bonheur, mais ils sont les seuls à le savoir. Lorsque l'esprit est concentré, il est possible d'expérimenter le bonheur dans des proportions variées. C'est le bonheur du Dhamma. Si vous n'avez pas encore expérimenté ce bonheur du Dhamma, ne soyez pas découragé. Il faut simplement poursuivre la pratique de façon assidue et un jour, certainement, vous expérimenterez ce bonheur du Dhamma. So our yogis practice meditation for 3 weeks. You may have some happiness, but maybe the same or may not be the same. We do not know how you have experienced. When the mind is concentrated at the moment, you may have some quality of happiness. This is the Dhamma happiness. If you haven't experienced yet, should go on practicing meditation diligently. Then, according to your practice, one day you might have happiness. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu.